promet voilé. Nuageux aussi en marge d'une perturbation de faible activité qui ne se traduira pour la Normandie que par quelques gouttes dans la Manche dans une ambiance humide. Le vent faible vient du sud-est et les températures minimales s'abaissent déjà jusqu'à moins 1 ou moins 2 degrés localement sous abri dans les terres. Pas plus de 2 à 3 degrés vers la mer. Il fait froid ce matin en Normandie. Cet après-midi, l'est de la Normandie conserve dans son horizon des nuages temporairement plus coriaces qu'ailleurs, d'où des éclaircies parfois encore poussives en attendant mieux d'ici la fin de l'après-midi. Le soleil s'impose plus facilement vers l'ouest dans un ciel plus dégagé. Le vent faible s'oriente au secteur est à sud-est et les températures ne connaissent aucun essor, parfois limité à 4 degrés dans l'intérieur, notamment dans l'Eure et la Seine-Maritime. En 3 années, selon la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le nombre d'apprentis s'est accru de près de 8% en Normandie après avoir nettement diminué entre 2012 et 2015. À l'occasion de la rentrée 2018, 2600 élèves avaient ainsi signé un contrat d'apprentissage. C'est 131 de plus qu'en 2017. Cette hausse se révèle d'autant plus nettement qu'elle contraste avec une baisse des effectifs en formation initiale scolaire. Toutes les filières, excepté l'agroéquipement, sont concernées par cette progression. Le privé comme le public voient leur effectif augmenter. C'est ce que constatent les services statistiques de la DRAF. Si les niveaux 5 et 4, respectivement CAP, BEP et BAC, sont les plus fréquentés, les jeunes se tournent de plus en plus vers les études supérieures en apprentissage. Depuis 2 ans, c'est ce que déclarent encore les services de la DRAF, les BTS agricoles ainsi que les licences pro voient leurs effectifs gonflés de 25%, tandis que les formations ingénieurs en alternance, récentes et encore peu nombreuses, rencontrent un réel succès. Un seul cursus existe dans l'Eure et la Seine-Maritime au sein d'Uni-la-Salle à Mont-Saint-Aignan. La filière apprentissage permet aux jeunes de 16 à 25 ans de préparer un diplôme ou un titre de l'enseignement professionnel dans le cadre d'un contrat de travail particulier associant une formation en entreprise et des enseignements, pour la plupart dans un centre de formation d'apprentis. Juste avant la déclaration du président de la République Emmanuel Macron et après plusieurs semaines de mobilisation des Gilets jaunes, un échange a eu lieu entre un membre du gouvernement et des Gilets jaunes. En présence de Thierry Coudert, préfet de l'Eure, le ministre Sébastien Lecornu a reçu une délégation de Gilets jaunes venant essentiellement de l'Eure. Selon un communiqué de la préfecture de l'Eure, lors d'un échange, les Gilets jaunes présents ont pu exprimer leurs doléances et leurs revendications. De son côté, le ministre, auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales, chargée des Collectivités Territoriales, a rappelé les engagements du gouvernement en faveur du pouvoir d'achat. Vers 11h, aux abords du lycée Aristide Briand d'Evreux, la sonnerie du plan de confinement résonnait à plusieurs centaines de mètres à la ronde. Attention, alerte, intrusion. Parqués à l'intérieur des classes ou de la cour, plusieurs dizaines d'élèves se sont retranchés dans l'établissement après que les manifestations commencées avant 9h ne dégénèrent. Lundi déjà, le lycée Broïcien avait déjà été la scène de rixes opposant lycéens et forces de l'ordre, avec au milieu une poignée de gilets jaunes pour calmer le jeu. Il y a plusieurs jours, l'Union Nationale des Lycées, l'UNL, avait appelé à un mardi noir pour protester contre les répressions lycéennes et l'arrestation filmée à Mantes-la-Jolie. C'est ce qu'a expliqué Titouan devant les grilles du lycée Aristide Briand. Mais les Ébroïciens n'avaient pas attendu jusque-là pour perturber l'entrée de leur établissement dès lundi. Et puis hier matin, ils étaient plusieurs centaines devant des feux de poubelle en attendant presque de se faire déloger par les gendarmes pour pouvoir publier une story sur les réseaux sociaux. C'est ce que déplorait un gilet jaune venu faire le médiateur entre les adolescents et les forces de l'ordre. Contrairement à la veille, les policiers étaient davantage préparés et ont rapidement dispersé la foule une première fois vers 9h30, permettant aux pompiers d'éteindre les feux et de sécuriser la zone. Les lycéens sont revenus à la charge 1 heure plus tard et cette fois-ci armés de pierres et d'autres objets pour caillasser. Les gilets jaunes, d'abord médiateurs, ont été obligés de s'écarter. En fin de matinée, plusieurs jeunes ont été interpellés et d'autres blessés ont été pris en charge par les secours. La place Armand Mandl dans le centre-ville d'Evreux a terminé sa mue. Elle a été inaugurée jeudi dernier à l'occasion de la foire Saint-Nicolas. Ce jour-là, les promeneurs ont pu découvrir le nouveau visage de cet espace entièrement réaménagé, portant en son centre une statue monumentale. Le bâtisseur de cathédrale, qui était installé dans la cour du musée d'art et d'histoire et d'archéologie, a été déplacé sur la place Mandl mercredi. L'œuvre en fonte d'aluminium a été réalisée par l'artiste Cyril André. Le sculpteur l'a conçu spécialement pour la 3e édition du parcours de sculpture organisé dans le centre-ville du 7 avril au 16 septembre dernier. La statue a été achetée par la ville d'Evreux pour un montant de 45 000 euros. Très belle journée sur Cristal. T'as jamais vu une femme

quite how my life and love might still go on. In your heart, in your mind, I'll stay with you for all time. If I could, then I would. I'll go wherever you will go. We'll fight or down low. I'll go. C'est déjà l'heure. Avec Dimitri sur Cristal. Bon réveil avec Cristal, j'espère que ça va ce matin. C'est déjà l'heure. Vous écoutez C'est déjà l'heure avec Dimitri sur Cristal. Ça y est, c'est officiel, les maillots 2 étoiles débarquent pour Noël. Alors si vous êtes fan de foot, le maillot de champion du monde sera disponible, écoutez bien, en magasin sur internet en fin de semaine, comme par hasard avant les fêtes de Noël. C'est fou ça, au moins ça donne une idée de cadeau. Mais le prix nous refroidit un peu, hein. 140 euros pour la version adulte et jusqu'à 70 euros pour la version junior kids. Bah, c'est quand même le cadeau qui fait plaisir, surtout à vos enfants s'ils sont fans d'Mbappé, de Griezmann ou de Giroud. Alors les maillots seront disponibles dès samedi sur le site officiel de la Fédération Française de Football. Mais ne traînez pas trop, hein, pour commander, ça sent la rupture de stock. Il est 5h45 sur Cristal, très bon réveil. Avant 7h, le retour de Void bien sûr, et puis l'horoscope d'Alexandra. Le rappel des titres sur Cristal, François Poulet, bonjour à tous. On débute avec un mot de la météo de ce mercredi. La journée débute sous la grisaille, brume, brouillard et nuages bas sont au rendez-vous dans l'Eure et la Seine-Maritime notamment. Et cette atmosphère sans luminosité persiste parfois assez longtemps dans la matinée. Le ciel reste chargé. Côté Mercure, prévoyez ce matin entre 0 et 2 degrés. Dans l'après-midi, l'est de la Normandie conservera dans son horizon des nuages temporairement plus coriaces qu'ailleurs, d'où des éclaircies parfois encore poussives en attendant mieux en fin d'après-midi. En 3

étiez peut-être au grand cirque de Noël hier soir. On a assisté à un beau spectacle, hein, vraiment. Je suis sûr que vos enfants étaient contents. On était là avec tous les collègues de Cristal et c'était vraiment super de vous voir en vrai. Faut se refaire des soirées comme ça plus souvent. Hein. Alors je sais que tout le monde n'a pas pu gagner des invitations, mais ne vous inquiétez pas, on a encore des surprises pour vous, hein, jusqu'au 24 décembre. Je vous dis tout après 6h. Un peu de patience. Et justement, c'est bientôt 6h. Bon réveil et bon courage, hein, pour ce mercredi. David Guetta arrive avec Justin Bieber dans un instant, mais d'abord, comme tous les matins, on retrouve Alexandra pour votre horoscope. On espère que la journée sera bonne, Alex. Bonjour à tous, belle journée ce mercredi le 12 décembre. Votre horoscope, les béliers, vous en demanderez trop à l'autre, si bien que vous serez en pleine désillusion. Taureau, votre clan familial est votre pilier. Vous retrouvez de belles énergies positives à leur côté. Gémeaux, vous aurez des idées qui vous trotteront dans la tête en vue de faire valoir vos ambitions et d'améliorer votre condition. Cancer, un nuage passe dans votre relation. Vous serez assailli de doutes. Ça passera. Lion, vous ferez des projets avec des amis, autant les uns que les autres. Vous serez emballé. Vierge, vous ne pourrez pas vous empêcher aujourd'hui d'analyser et critiquer le comportement de vos proches. Balance, grâce à votre activité professionnelle, vous arrivez à reprendre les commandes de votre vie. Les scorpions, les célibataires, votre situation sentimentale semble prometteuse. Vous pourrez cette fois dire adieu à votre solitude. Ah, et les sagittaires, vous aurez le sentiment que l'on fait tout aujourd'hui pour saper votre motivation et votre dynamisme. Capricorne, vous aurez la bénédiction des astres côté cœur. Un dîner aux chandelles avec l'être cher pourrait faire des merveilles. Verseau, une ambition sympa règne au sein de votre travail. Vous êtes motivé. Pour ceux qui recherchent un emploi, la journée est favorable. Poisson, toutes vos certitudes semblent ébranlées. Pourtant, ne perdez pas confiance. Excellente journée à tous. No limit in the sky that I won't fly for you. Take both.